vers la Valentine. Elle est hnine, elle a l'air gentille. Elle s'est retournée quand j'ai ralenti. Faut être droit, faut pas mentir. On m'a dit 100 fois, faut te repentir. J'fume la pile et t'as les antilles. J'ai perdu un poteau, ça m'anéantit. On m'a dit Nabil, range un peu ta vie. Arrête les conneries. Et passe voir mamie, repasse le permis, vie à Miami. Je sais. On pensait même pas au disque d'or. Ça m'envoie des nappes, vite ressort. Elle est fraîche, je m'en rappelle encore. Jolie tête, elle avait un beau corps. Allez, mon, j'ai pris la loco. J'ai même pas le permis, là je suis trop en vovo. De côté, j'ai mis une poco. J'ai fait l'enregistrement de l'album en vovo. Prends ton passeport, on bouge de là, ouais. Puis on sort un peu des bouches du rhum. On change les euros en dollars. On va faire des cocktails avec du rhum. Ce soir j'étais pas dispo. J'devais la récup aller au resto. Elle en a fait toute une histoire. On s'est emboucané devant le Vito. Il a mis la sacoche, le petit béton. Ils sont cagoulés, même plus ça m'étonne. Fais pas le voyou, pourtant tu déconnes. Ils ont mis le charbon normal devant l'école. On m'a dit Nabil, range un peu ta vie. Arrête les conneries. Et passe voir mamie, repasse le permis. Vie à Miami. J'passe demain. On pensait même pas au disque d'or. Ça m'envoie des nappes, vite ressort. Elle est fraîche, je m'en rappelle encore. Jolie tête, elle avait un beau corps. Allez, mon, j'ai pris la loco. J'ai même pas le permis, là, j'suis trop en vovo. De côté, j'ai mis une toco. J'ai fait l'enregistrement de l'album en vovo. Prends ton passeport, on bouge.